FrenchPod.com. Bonjour madame, vous savez que les chiens sont interdits dans ce parc. Voyons monsieur l'agent, nous ne faisons rien de mal. Sultan est très propre. Tout le monde dit la même chose. Venez avec moi vers la sortie. Attention, devant vous il y a... Boah. Ce n'est pas Sultan qui a fait ça. Et c'est moi peut-être. Allez, dégagez s'il vous plaît. C'est toujours la faute des autres.